Chapitre 15. Les mystères du grand œuvre. Le sorcier regarda un instant Brancaillon, et le poing du géant, levé pour assommer son adversaire, aussitôt retomba. L'ermite recula, effaré, se couvrit le visage de son capuchon et murmura « Je suis vivant, maître, je suis vivant !» Son pauvre esprit sombra dans l'épouvante. Saitano lui renversait en le touchant du bout du doigt. « Va-t'en » dit-il. « Tout de suite !» fit Brancaillon, enchanté. Et il s'en alla, trébuchant, tandis que le roi et les gentilshommes qui l'entouraient éclataient de rire. « Allons !» cria Charles avec une gaieté fébrile. « Voici notre ermite qui ne veut pas confesser le brave capitaine des gardes de Madame la Reine. Sorcier, voudrais-tu donc te charger de la besogne ?» Saitano s'inclina, plia en deux sa longue échine et se redressant d'un ton sinistrement jovial. « S'il plaît à votre majesté. »« Mais je ne veux pas, moi, » dit sourdement Boisredon. La reine, qui avait d'abord paru se désintéresser du sort de son capitaine, assistait maintenant à cette scène avec une profonde attention. D'étranges pensées montaient lentement dans son esprit et y érigeaient des images qui surexcitaient en elle un funèbre intérêt. Elle ne quittait pas Saitano des yeux, et un espoir imperceptible, éloigné encore comme une pâle étoile perdue au fond des nuées, la faisait palpiter. « Sire, dit Saitano, du même accent bizarre et jovial, votre majesté m'a déjà vu à l'œuvre. Vous savez que je puis calmer les appréhensions de cet homme qui va mourir. Mourir, entendez-vous? C'est chose assez grave, il me semble. Laissez-moi au moins lui faire la mort plus douce. » Soit, dit le roi en détournant la tête. Je veux bien qu'il s'en aille de ce monde, car il a cruellement offensé la reine, mais je ne tiens pas à le faire souffrir. Passion, rugit en lui-même Saitano. Pauvre minuscule passion, qui de votre souffle si léger causait de tels bouleversements parmi les hommes. Vie imbécile, vie stupide, inanité, vanité effroyable de cette vie sans but. « Que c'est pauvre et quel hideux désordre » ajouta-t-il tout haut dans un strident éclat de rire. Nul ne comprit ses exclamations. Le roi seul, le fou, les écouta gravement et sans savoir pourquoi, approuva d'un signe de tête. Saitano s'approcha de Boisredon. Le capitaine cria « Arrière, va-t'en au diable !» et se tournant vers l'exécuteur « Allons, fais ton office !» Par Notre-Dame, faudra-t-il tant de façons pour attacher une cravate de chanvre au cou d'un gentilhomme ? Écoutez, murmura le sorcier à voix basse, je vous suis envoyé par la reine. Boisredon tressaillit. Une légère rougeur se plaqua sur son visage de poupée, jusque-là livide. La reine ? Balbutia-t-il avec ferveur, comme il eût dit, la Vierge puissante, la reine des cieux. « Voulez-vous donc la désespérer ?» reprit rapidement Saitano. « Moi ?» fit le colosse avec stupeur. « Moi qui meurs pour elle ? Moi qui consentirais à subir 10 fois le supplice qu'on va m'infliger ? Eh bien, si vous voulez qu'elle vous garde un souvenir d'amour dans son cœur, buvez ceci. » En même temps, d'un geste rapide, Saitano sortit de dessous son manteau un minuscule flacon. Le condamné le saisit. Le tourna dans ses doigts avec de la curiosité, de l'effroi et un vague espoir. « Cette liqueur, » fit-il en tremblant, « c'est donc un élixir qui vous fera vivant, » dit Saitano avec un frémissement d'ardeur. « Vivant dans le cœur de la reine, » ajouta-t-il en se reprenant. « Il suffit, » dit Boisredon. Et il jeta un long regard à Isabeau, comme pour fixer son image dans son esprit jusque par-delà la mort. « Sorcier, » continua-t-il d'une voix calme, apaisée déjà par l'approche de la mort, « sorcier, je t'ai redouté, je t'ai méprisé, je t'ai haï pour tes accointances avec l'enfer. Mais si ce que tu dis est vrai, si cet élixir peut me faire vivre dans le cœur de la reine lorsque je ne serai plus, sorcier, à ma dernière minute, je te bénis. » Il but lentement le contenu du flacon, qu'il garda ensuite dans sa main, convulsivement fermée, comme le suprême talisman capable de lui assurer dans la tombe l'amour fidèle de celle que, si fidèlement, il avait aimée. Alors l'exécuteur lui passa la corde au cou. Il fit un signe. Ses aides tirèrent. Bientôt se balança dans l'espace le corps du sire de Boisredon. La foule attentive demeura autour du gibet, immobile et silencieuse, jusqu'à ce que tout fût fini. Alors le roi eut un soupir. Il jeta à la reine un regard de travers, un regard tout chargé de menaces. Puis des yeux il chercha le sorcier pour lui demander ce qu'il avait fait boire au condamné. Mais le sorcier avait disparu. Charles VI alors se tourna vers son capitaine des gardes. « Monsieur, lui dit-il, vous escorterez Madame la reine jusqu'à son palais, dont vous ferez garder toutes les portes. Le capitaine de ses gardes étant mort, c'est à nous d'assurer sa sécurité. » Il y eut un mouvement de stupeur. Cet ordre, malgré les derniers mots, équivalait à une arrestation. Puis cette stupeur, vite effacée, fit place au respect. On s'empressa autour du roi. On se murmurait que Charles, revenu à la raison, reprenait le pouvoir effectif. Devant l'acte qui signalait ce retour à la santé et à la puissance, il y eut des frémissements de terreur. Il y avait là 400 ou 500 gentilshommes, tous plus ou moins dévoués à la reine. Tous, c'est à la reine qu'ils avaient porté leurs hommages et demandé des faveurs. Bien peu d'entre eux fréquentaient le palais de Charles VI. Mais lorsque le roi eut donné à haute voix cet ordre qui était une sorte de coup d'État, c'est vers lui que se porta la foule. La reine partit seule, escortée, entourée plutôt par les gardes, et un indicible sourire de mépris crispa ses lèvres pâles. De la Huidelonne, alors, partit un éclat de rire. Il y avait là quelqu'un qui regardait, riait et murmurait « Reconnaissance humaine, amour des hommes, affection, dévouement, je vous reconnais. » Le roi s'en alla vers son palais, escorté d'enthousiasme, étonné de toute cette ferveur qui lui revenait si subitement. Il voyait autour de lui tant de visages joyeux qu'il finit par en éprouver une inquiétude et hâta le pas. Alors l'enthousiasme éclata, on cria, on se bouscula pour suivre le roi. La clameur du dévouement humain, en admiration devant la force, monta dans les jardins de l'hôtel Saint-Paul. « Le roi est guéri ! Vive le roi !» Or, comme tout ce peuple de grands seigneurs arrivait devant le palais du roi en vociférant sa joie, son affection, son dévouement, son admiration, tous les sentiments purs et sans tache que fait fleurir la mendicité, suprême escorte du pouvoir, tout à coup les cris redoublèrent. « Voici le sauveur, voici le guérisseur du roi !» Il était là, arrêté devant l'entrée du palais, méditant encore sur sa rencontre avec le sorcier de la cité, se demandant quel malheur allait sortir de là. Il se vit entouré de gens qui voulaient absolument toucher son froc. « Que diable me veulent-ils ? » grogna Brancaillon. « Tâchons de gagner au large. » Mais il demeura cloué sur place, les yeux arrondis, la bouche fendue d'une oreille à l'autre, par un large sourire de joyeux étonnement, et il tendait les deux mains en disant « Oh, si c'est cela qui vous tient, ne vous gênez pas, mes frères. Donnez, donnez toujours. » Un seigneur avait commencé en offrant à l'ermite une pièce d'or, et comme le roi avait eu un geste de satisfaction, un autre avait mis deux pièces dans la main large ouverte de Brancaillon. Puis un autre, puis il y eut foule. Les uns donnaient de l'argent, d'autres des bijoux. Des dames arrachèrent leurs colliers. Brancaillon, ébloui, retroussa son froc, le tendit en forme de panier, et les présents se mirent à pleuvoir. L'ermite, effaré d'abord, se mit à rire, puis à pleurer. Jamais il n'eût supposé qu'une telle fortune existât au monde. « Est-ce que ce serait vraiment un guérisseur ? » songeait le roi, ébranlé dans le scepticisme que les allures de Brancaillon, assez étranges pour un ermite, lui avaient inspirées. Bref, le sacripant fit son entrée dans le palais, portant dans son froc retroussé une véritable fortune qu'il laissa tomber aux pieds de Bruscaille et de Bragaille. Les deux compères poussèrent une sourde exclamation. Puis, sans perdre de temps, Bragaille courut fermer les portes, tandis que Bruscaille faisait le partage du butin. Ils avaient des figures de loups, avec des yeux luisants et mauvais. Cependant, le sire de Boisredon était resté solitaire, là-bas, dans l'ombre de la Huit de l'Aune. L'aigre bise de l'hiver le balançait doucement. Quelquefois, il tournait, d'un lent mouvement de giration qui se déroulait ensuite. Il était là, à quelques pieds au-dessus du sol, bien tranquille au bout de sa corde, et somme toute, il ne faisait pas trop mauvaise figure, si ce n'est que sa face était violette et qu'il tirait la langue. En haut, tout en haut de la Huit de l'Aune, impassible, une douzaine de corbeaux sur la crête de la tour regardaient immobile la tête de travers pour mieux voir. Ils s'intéressaient fort à la situation du capitaine. Un des corbeaux tendit le cou et croassa en battant des ailes. D'autres se mirent à croasser. Que pouvait-il bien se raconter ? De loin, des clochers voisins, d'autres corbeaux arrivaient, lourds et joyeux, et se posaient sur le sommet de la Huit de l'Aune, minuscule tache noire sur la bordure d'hermine de la neige. L'un d'eux, un vieux vénérable, se mit soudain à piétiner, puis, ouvrant ses larges ailes, se laissa tomber dans le vide et son vol noir traça dans les brumes un vaste cercle. Au même instant, avec des cris de victoire, toute l'armée se jeta dans le vide. Les cercles noirs se multiplièrent et formèrent une spirale descendante. Cela descendait vers la chose que l'aigre bise d'hiver, au bout d'une corde, balançait doucement, et Boisredon ne s'en apercevait pas. Il ne s'apercevait plus de rien au monde. Soudain, les cris de victoire devinrent des cris de colère. La spirale descendante se fit spirale remontante, et bientôt toute la bande, posée à nouveau sur les crêtes de la Huit de l'Aune, se mit à jacasser et à invectiver le malencontreux personnage qui l'avait dérangé. Ce personnage, c'était le geôlier de la Huit de l'Aune. À ce moment, il y avait un peu plus d'une demi-heure que Boisredon avait été guindé, la hare au col. Le geôlier, ayant menacé les corbeaux de son bâton et les ayant mis en déroute, inspecta longuement les environs d'un œil méfiant. Il redoutait d'autres corbeaux à deux pieds et sans plumes. Voyant que tout était paisible, c'est-à-dire désert, il fit un signe, et l'homme au manteau rouge sortit de la Huit de l'Aune, s'approcha, examina Boisredon d'un regard d'une intense luminosité, puis lestement il se mit à grimper au montant de bois du gibet sans dire un mot. Le geôlier se plaça au-dessous du cadavre. Saitano se plaça à cheval sur la poutre de traverse où était vissée la poulie de la corde, tira sa dague et trancha la corde. Boisredon tomba dans les bras du geôlier qui l'emporta, et ce groupe s'engloutit dans la Huit de l'Aune, bientôt suivi par le sorcier. Le cadavre fut déposé sur le lit de sangle du geôlier. Saitano se pencha. Il frémissait. Rapidement, il dénoua le nœud coulant et jeta le tronçon de corde. Puis, dans la bouche, jusqu'à la dernière goutte, il versa le contenu d'un flacon plus grand que celui qu'il avait présenté à Boisredon au pied de la potence. Alors il se recula, contempla une minute le cadavre, sortit de la salle avec le geôlier, ferma la porte à clé et mit cette clé dans son escarcelle d'où, en même temps, il tira 12 pièces d'or. Le geôlier les prit d'un geste indifférent. « Si tu es chassé, dit Saitano, tu viendras chez moi. Tu y seras tout au moins aussi heureux qu'ici. »« Croyez-vous ? Au surplus, si on s'aperçoit de ce que je viens de faire, je ne serai pas chassé, mais pendu. Ainsi, soyez sans inquiétude sur mon sort. » Saitano jeta un regard pensif sur cette magnifique brute qui paisiblement disait ces choses formidables. « Tu me promets de ne pas essayer d'entrer dans cette chambre ? » reprit-il. « Il n'y a qu'une clé, vous l'emportez. » Le sorcier hocha la tête, s'enveloppa de son manteau, sortit de la Huit de l'Aune et se dirigea droit sur le palais de la reine. En voyant le poste d'archer qui gardait la grande porte, il eut un ricanement silencieux. Les gardes ne s'opposèrent pas à son entrée dans le palais. Bientôt, Saitano parvint aux appartements de la reine. Il paraît qu'il était attendu, car dès qu'il eut été aperçu par l'huissier de la salle de Mathebrune, il fut introduit dans le parloir particulier où il trouva Isabeau nonchalamment étendue sur une sorte de canapé, tandis qu'une de ses demoiselles d'honneur lui lisait un roman de chevalerie et que trois autres faisaient de la tapisserie. Saitano admira la force d'âme de cette femme qu'il croyait trouver en proie à une crise de fureur ou de désespoir. La reine renvoya les demoiselles d'honneur, et alors, se soulevant, « Qu'avez-vous fait boire à Boisredon ? » demanda-t-elle avidement. Un simple élixir destiné à lui éviter les angoisses de l'agonie. Il a pu mourir sans peur de la mort. Elle se laissa retomber et murmura « Ah, ce n'est que cela ?»« C'est beaucoup. J'ai pensé qu'il vous serait agréable d'apprendre que votre capitaine est mort sans horreur. » « Boisredon n'avait pas peur de la mort, » dit Isabeau d'un ton farouche. Il y eut quelques minutes de silence. Le sorcier préparait ce qu'il avait à dire, ce qu'il était venu dire. Isabeau songeait. « Ainsi, » dit tout à coup Saitano, « Tozan et Lancelot sont partis, sans avoir fait boire au roi Charles l'élixir que si soigneusement j'avais préparé. C'est dommage, » ajouta-t-il gravement. « J'eusse été curieux de voir les effets de cette liqueur. Il y eut d'abord un accès de démence furieuse, pendant laquelle... « Assez !» gronda Isabeau. « L'ange veillait, c'est tout. » « Vous voulez dire Odette de Champ d'Hiver ? » ?»« Elle veillait, oui. Vous eussiez dû prévoir cela. Elle veillait encore, soyez-en sûr. Et tant qu'elle sera là... Odette de Champ d'Hiver ne peut être longtemps encore la gardienne du fou, car elle va mourir. « Bon, j'en sens peur à envoyer contre elle quatre hommes qui passaient pour braves. Et ils ont fui. C'est vrai, dit la reine, en jouant avec les cordelettes de sa robe de lin blanc. Et vous avez envoyé contre elle votre tigresse Impéria, et la tigresse a fui. C'est vrai, dit la reine qui souriait étrangement. Vous avez envoyé Boisredon contre elle, et Boisredon est mort. C'est vrai, répéta la reine avec douceur. Madame, si les gens du duc de Bourgogne ont fui, si Impéria fut vaincu, si Boisredon est mort, « Qui donc va maintenant affronter l'invincible faiblesse d'Odette ?»« J'irai moi-même, » dit la reine. « Vous irez la tuer vous-même ?»« J'irai la tuer moi-même. Crois-tu que cette fois la faiblesse de l'ange sera encore invincible ?»« Oui, » dit Saitano. La reine se leva aussi. Le masque d'indifférence qu'elle avait jusque-là gardé tomba. Elle saisit un bras de Saitano, l'étreignit violemment et gronda. « Tu sais quelque chose ?»« Oui, madame, et c'est cela que je suis venu vous dire. Heureux que le hasard m'ait poussé dans l'hôtel Saint-Paul assez à temps pour rendre au brave Boisredon un dernier service. Je dis donc, madame, que vous risquez d'être vaincue vous aussi par Odette de Champ d'Hiver, parce que si elle veille sur le roi, elle, un homme veille sur elle, et celui-là, je le crois vraiment invincible. »« Un homme ?» fit Isabeau, dont les soupçons se réveillèrent. « J'en sens peur ?»« Non, madame. Celui dont je vous parle va venir au palais du roi. Il veut voir Odette de Champ d'Hiver. Il veut lui demander, à elle, ce qu'est devenu Roselys. Vous voyez que pour vous, le danger se complique. Cet homme, c'est le chevalier de Passavant. » Isabeau jeta un cri, au sens duquel Saitano ne put se méprendre. C'était un cri de joie et de résurrection. « Sans doute vous êtes étonnée, madame, » continua le sorcier. « Lorsque j'y ai amené ce jeune homme, il était condamné à mort, condamné par vous. Je le conduisis dans les carrières. Nul n'en est jamais sorti, à moins d'être guidé par quelque mystérieuse Ariane. Or, il n'y a pas d'Ariane dans ces sombres demeures. Passavant n'avait aucun guide, et il est sorti, madame. » Isabeau palpitait. « L'avez-vous donc vu ? » murmura-t-elle. « Je l'ai vu. « Je sais qu'il doit venir au palais du roi. Lui-même me l'a dit. Il viendra. »« Pour voir Odette ?» gronda la reine. « Eh bien, soit, il ne la verra pas. Ou s'il la voit, je serai là, moi, et devant lui. Qu'il la défende s'il peut. Qu'il porte la main sur moi s'il ose. » Saitano s'inclina profondément devant la reine. Il la voyait à bout d'émotion. L'amour et la haine, la rage, la jalousie, la joie de savoir le chevalier vivant, la fureur de se savoir dédaigné, ses sentiments divers s'entrechoquaient dans sa pensée, et impuissante à garder cette attitude d'indifférence qu'elle avait adoptée, elle ordonna d'un geste à Saitano de se retirer. « Madame, dit le sorcier, toujours incliné, je crois que je viens de vous rendre un signalé service. Je vous prie humblement de me le payer à sa valeur. « Comment ? Fit Isabeau étonnée, car jamais Saitano ne lui avait demandé d'argent. Donnez-moi, dit le sorcier, donnez-moi, laissez passer, pour que je puisse sortir ce soir, à la nuit, de l'hôtel Saint-Paul. Ajoutez qu'on laisse passer aussi celui qui m'accompagnera, portant un fardeau sur ses épaules. Soit, dit Isabeau avec amertume, je suis encore reine, et je puis donner le laissez-passer dont tu as besoin. Mais je suis prisonnière aussi. Reste à savoir si les gardes de l'hôtel Saint-Paul tiendront ma signature pour valable. Madame, dit doucement Saïtano, vous possédez en blanc des ordres signés par le roi Charles. Isabeau tressaillit. Tout autre que le sorcier eût sans doute payé de sa vie d'aussi audacieuses paroles, mais il y avait pour lui des grâces d'État. La reine passa dans son appartement et, revenant au bout de quelques minutes, tendit à Saïtano un parchemin qu'il lut et fit ensuite disparaître sous son manteau. Saïtano, ayant remercié la reine comme il convenait, sortit du palais et gagna la tour Huit de l'Aune, où il s'enferma avec le geôlier. Il est à remarquer qu'en cette journée, le sorcier n'entra pas un instant dans la salle où se trouvait le cadavre de Boisredon. Ce qu'il fit en ce jour, à quoi il occupa son temps dans cette tour, c'est ce qui nous échappe. Le soir vint. Vers 5 heures, la nuit était noire. Mais Saïtano attendit encore. Il attendit jusqu'à l'heure probable où les rues de Paris seraient désertes. Ce fut donc seulement vers 9 heures qu'il entra dans la salle où Boisredon, les yeux ouverts et fixes, dormait le seul sommeil paisible que tôt ou tard connaît enfin chaque créature. Le geôlier enveloppa le cadavre d'un vaste manteau et, le traînant jusqu'à la porte extérieure de la tour, le déposa dans une petite charrette au brancard de laquelle il s'attela. À travers les neiges se mit à rouler la petite charrette, laissant derrière elle le double sillon de ses roues. Saïtano marchait devant, d'un pas égal, et il marmottait certaines choses incompréhensibles. Arrivé à la grande porte de l'hôtel Saint-Paul, il montra son laissez-passer, et le chef de poste, en jurant, se plaignit que pour un misérable suppôt d'enfer, on fût obligé de baisser le pont-levis à l'heure de dormir. Saïtano se trouva dans la rue, et alors se plaça derrière la charrette, indiquant parfois d'un mot bref au geôlier le chemin qu'il fallait suivre. Ce groupe allait lentement par les ténèbres. Le geôlier se taisait. Saïtano marchait tête basse en ruminant ses pensées. Seul le cadavre, de temps à autre, cahoté et se heurtant aux parois, interrompit ce silence. On arriva dans la cité. On s'arrêta devant la maison du sorcier. Le corps de Boisredon, à nouveau, fut traîné et enfin se trouva reposé tranquillement sur la table de marbre. Le geôlier s'en alla, taciturne, indifférent. Saïtano referma sa porte, la verrouilla, la cadenassa, alluma le flambeau à triple cire, le posa sur la table près de la tête de Boisredon. Puis il ouvrit l'armoire de fer et, dans le grand coffre du rez-de-chaussée, prit quelques manuscrits qu'il déposa sur la table. Ils étaient écrits d'une large écriture régulière, mais entre les lignes et dans les marges, de nombreuses annotations couraient d'une écriture hérissée et sèche. Les caractères puissants étaient de Nicolas Flamel. Les caractères maigres étaient de Saïtano. Le savant se mit à relire, suivant du bout de son doigt maigre son écriture à lui, enchevêtrée dans celle de Flamel. Il lisait avidement, et pourtant ses manuscrits, il les savait par cœur. Parfois il redressait la tête et écoutait attentivement, lorsque l'horloge du palais de la cité, logis royal alors au même titre que le Louvre et l'hôtel Saint-Paul, jetait dans le gouffre du vaste silence d'hiver ses appels de tristesse énormes. Il comptait les heures, puis se remettait à lire. 3 fois encore, il se leva, et à chaque fois de l'armoire de fer apporta un flacon. De chacun de ces 3 flacons, il versa dans une coupe 30 gouttes, et il agita le mélange sur lequel il versa un peu d'eau. Puis, d'un geste distrait, il repoussa les manuscrits et se remit à contempler Boisredon. Un ricanement secoua le sorcier, qui murmura « Ah, je le vois encore, quand, sur ses épaules, il m'apporta l'enfant. Il le déposa là sur cette table et s'en alla en me jetant un regard de malédiction. L'enfant est devenu l'invincible chevalier et Boisredon est maintenant sur la table. « Rassure-toi, » ajouta-t-il, en posant la main sur le front glacé du cadavre. « Le scalpel ne te menace pas, toi. tu n'es pas destiné à la grande tentative de la transfusion de sang vivant. Tout ce que je te demande, c'est un signe, si faible qu'il soit, une preuve que l'élixir de vie a pu lutter contre la mort. Cadavre, tu n'es qu'un champ de bataille. » Il se tut subitement et l'oreille tendue vers le vaste silence, écouta. « Non, murmura-t-il, ce n'est pas l'heure encore. Les heures sont lentes à s'écouler ce soir. Minuit ne viendra donc pas. Minuit, c'est l'heure favorable. » Il se mit à marcher lentement et sans bruit dans la salle, sans plus jeter un coup d'œil ni au cadavre, ni au manuscrit, ni au mélange qu'il avait préparé dans la coupe. Il marmottait ses réflexions comme font les solitaires, comme si l'homme éprouvait l'impérieux besoin de se prendre soi-même à témoin de son effort. « Le vulgaire, disait-il, croit que les heures sont indifférentes, toutes pareilles les unes aux autres, simple relais dans la marche du temps. Minuit est pourtant une heure étrange. Une heure? Un instant, un laps de temps inimaginablement bref où s'accomplit un phénomène énorme, le passage d'un jour à un autre. Voici un jour qui tombe dans le néant et en voici un autre qui se lève. Il se pousse sans trêve depuis les lointains commencements des temps, comme les vagues de l'océan. Une qui se brise sur le rivage et en même temps l'autre qui est là, qui se gonfle, toute prête à se briser. Minuit. Minuit, c'est la seconde du mystère. C'est donc à cette heure que doit s'accomplir tout ce qui est mystère. » Tout à coup, il frissonna. L'horloge du palais de la cité, de sa voix d'inexprimable solennité, parlait aux Parisiens. Et cette fois, elle leur disait « C'est minuit. » Rapidement, Saitano saisit la coupe, desserra les mâchoires de Boisredon et versa dans la bouche le mélange qu'il avait préparé. Puis il laissa retomber sur les dalles la coupe qui roula avec un bruit sonore. Et il demeura penché sur le cadavre, immobile, raidi, les cheveux hérissés, les yeux exorbités, pantelant sous l'effroyable étreinte de cette angoisse que cause l'attente. Une minute s'écoula, puis une autre, puis d'autres encore. Saitano demeurait dans la même position. Il râlait. La douleur de l'attente, portée à son paroxysme, le faisait trembler jusque dans les profondeurs de l'être. Ses yeux fous demeuraient rivés aux yeux grands ouverts du cadavre. La sueur, à grosses gouttes, roulait sur son maigre visage. Enfin, un soupir de désespoir gonfla sa poitrine. Il recula en bégayant. Rien. Non, rien. Dans l'apparence immobile du cadavre, rien n'avait donné le faible signe attendu. Boisredon était mort. Saitano se tordit les mains. Il se mit à rugir des imprécations. Il tomba sur ses genoux, sanglotant, hurlant, se roula sur les dalles contre lesquelles il frappa sa tête, et alors à ce bruit de funèbre douleur, à ces cris de désespérance inapaisable, la porte s'ouvrit. Gérante parut. Elle jeta un coup d'œil de mépris sur le savant abîmé dans le vertige de l'affreuse déception, puis ce regard rebondit sur le cadavre de Boisredon, et alors Gérante poussa une déchirante clameur d'épouvante. Ce fut un tel cri d'horreur que Saitano se redressa d'un bond, s'avança sur Gérande et d'une voix sauvage hurla « Que veux-tu? Que fais-tu ici? Dehors, va-t'en !» Gérande ne s'en allait pas, n'entendait pas peut-être. De sa main tendue, elle désignait le cadavre de la table, cadavre elle-même en apparence, avec son visage décomposé, ses yeux ternes, sa bouche tordue. « Quoi ?» rugit Saitano. « Qu'y a-t-il ? » Elle ne répondit pas, demeura toute raide, avec le même geste de montrer la table. Saitano se retourna, fut secoué d'un violent frisson, et d'un bond il fut à la table, en proie cette fois au délire de la joie et du mystère. Boisredon palpitait. Des secousses nerveuses agitaient ses membres. Sa main droite faisait un évident effort pour se lever. Les yeux ouverts jusque-là s'étaient fermés. Un frisson courait à fleur de peau sur le visage. Tous les signes de la vie étaient là, visibles, indéniables. Et Saitano, un moment, ferma lui-même les yeux, comme ébloui par quelque étincelante fulguration de vérité. La vie. Oui, la vie s'agitait dans ce cadavre. Quelques minutes, Saitano fut réduit à l'impuissance, la pensée sombrée dans l'effroi de son propre ouvrage, puis, par un titanesque effort de volonté, il parvint à se calmer. Lorsqu'il eut reconquis le sang-froid nécessaire, il courut à l'armoire, saisit une minuscule fiole, la déboucha avec précaution et en versa une goutte, une seule, sur la langue de Boisredon. L'effet fut prodigieux. Boisredon se raidit, se souleva en arc, posé sur la tête et les pieds, et quelque chose comme un son vague râla dans sa gorge. « Il parle !» gronda Saitano, affolé. « Il veut parler, il va parler !» Brusquement, le corps s'affaissa, redevint cadavre absolument immobile. Mais les lèvres continuaient à s'agiter, les yeux étaient fermés, le visage rigide. Seul dans cette face pétrifiée, les lèvres, gardant une apparence de vie fantastique, tentaient le mystérieux effort de formuler des verbes d'au-delà. « Parle !» rugit Saitano. « Parle donc ! M'entends-tu ? Me comprends-tu ? Sais-tu qui tu es ? Je suis... » Était-ce des mots ? C'étaient des tronçons de son, formant des embryons de paroles. Cela ne ressemblait à rien de ce que Saitano avait entendu de par le monde. C'étaient des sons morts, si on peut dire. C'était le reflet lointain, l'indescriptible et si peu humain reflet de la parole humaine. Mais Saitano entendit, lui. Saitano comprit. Il se pencha, colla son oreille à la bouche du cadavre, et le cadavre parlait. Il tentait de parler. « Je suis... Oh... Je suis... Qu'es-tu ? Qui es-tu ? » dit Saitano avec un suprême accent de volonté. « Oh, laissez-moi. Ne voyez-vous pas que, depuis ce matin, je suis mort. »« Mort ? » râla Saitano, les cheveux hérissés. Derrière lui, il y eut un bruit sourd. C'était Gérande qui s'affaissait, tombait en arrière, assommée par l'épouvante. Saitano n'y prit pas garde. Sur la bouche de Boisredon, les sons étrangement inhumains se précipitaient maintenant avec une sorte de mystérieuse furie. « Laissez-moi, vous voyez bien, mort, je suis mort, laissez-moi dans la mort. » Saitano, figé, la pensée exténuée d'horreur, écoutait. Peu à peu ses sons se firent moins sensibles, ils s'atténuèrent, se perdirent en un murmure, en nous ne savons quoi que le mot murmure rentrait mal. Et il y eut une minute où ce ne fut pas encore du silence, sans que les sons, inexprimablement hors de toute idée de son, eussent cessé de se faire entendre. Et puis enfin, le silence vint. Les lèvres de Boisredon demeurèrent à jamais scellées, sous un vague sourire de mystère que contemplait Saitano. Le sorcier demeura là, luttant contre le furieux assaut des centaines de sentiments déchaînés en lui. Il resta immobile, insensible, les yeux rivés sur ce sourire qui s'affaiblissait et disparut enfin. Le sorcier lentement se redressa et regarda autour de lui, stupéfait des clartés qui l'enveloppaient. Il faisait grand jour. Alors Saitano se mit à trembler. Cet homme qui avait disséqué de nombreux cadavres, qui avait passé des nuits et des nuits en tête à tête avec les morts, ce savant pour qui la mort n'était qu'un problème à résoudre, éprouva soudain une impression qu'il ne connaissait pas. Cela s'abattit sur lui, à l'improviste. Il se sentit faible, désarmé, incapable de lutter contre cette impression que jamais il n'avait analysée. C'était la peur, c'était la redoutable décomposition des organismes de la pensée. Peur. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir vraiment connu la peur et de l'avoir supportée. Saitano avait peur. Il eut peur de ce mort qui avait parlé, proféré des verbes inhumains, non destinés à des oreilles humaines. Parler ? Était-ce vrai ? Oui, l'élixir avait arrêté l'anéantissement. Oui, Boisredon s'était trouvé suspendu au-dessus des gouffres de la mort sans qu'il pût leur échapper. Mort, des sensations avaient survécu, et il avait parlé, parlé du fond de la mort, parlé sans que la vie eût palpité en lui. Une terreur insensée s'infiltra jusqu'à l'âme de Saitano. Lui, l'homme du mystère, comprit qu'il avait outrepassé les possibilités et côtoyé des mystères inaccessibles à l'intelligence humaine. Il se vit seul, et il eut l'ineffable horreur de la solitude. Il lui parut que mieux encore valait mourir, renoncer à son rêve d'éternité, que de rester seul en présence de ce cadavre. D'un effort furieux, d'une véritable secousse, il parvint à s'arracher de la place où il se trouvait et fit quelques pas en trébuchant, surveillant Boisredon par-dessus son épaule, et il râla. Gérande. Que Gérande se montrât seulement, qu'il fût seulement une minute en présence d'un être humain vivant, et il était sûr d'échapper à l'intolérable étreinte de la peur qui lui incrustait ses griffes au cerveau. Gérande. Son propre cri, répété cette fois plus fort, le fit frissonner. Il s'avança encore vers la porte, vacillant sur ses jambes, tenant sa tête à deux mains. Soudain, il s'arrêta. Son pied venait de heurter quelque chose. Tout de suite, il sut ce que c'était, mais il n'osait regarder. Il se mit à hurler « Gérande !» Et il savait que Gérande était là, à ses pieds, en travers de la porte. Un espoir soudain le ranima. Évanoui ? Oui, peut-être. Et il aurait au fait de la ranimer à la vie. Brusquement, il s'agenouilla. Un regard suffit à son œil expert. Gérande était morte, morte de peur au moment où le cadavre de Boisredon s'était mis à parler. Son bras raidi s'allongeait encore vers la table comme pour dénoncer l'effroyable mystère. Saïtano, à genoux, se pencha. De plus en plus, il se pencha sur Gérande morte. Il lui sembla que sa tête était pleine d'éclairs qui se croisaient et de bruits pareils au fracas du tonnerre. Il se pencha encore. Une force irrésistible, lentement, le courbait. Sa pensée se disloquait. Le sens des choses familières fuyait, et d'autres sens s'éveillaient en lui, lointains encore, vagues et tremblotants, comme les lumières qu'on allume tout au fond des nuits opaques. Le sens des choses qu'il ignorait, des sens inconnus qui faisaient de lui un homme non semblable aux autres. La force qui l'étreignait à la nuque le courba encore. Il fut courbé jusqu'à toucher le corps de Gérande morte, morte de peur, d'où jaillissaient les formidables effluves de la peur.